Je vais enchaîner par vous lire le petit compte rendu habituel de la manif de samedi dernier, donc du 20 avril des Gilets jaunes. Donc c'était l'acte 23. Donc c'est un article qui est visible sur nantes.indymedia.org. Apparemment c'est la street medic de Nantes qui l'a posté. Alors qu'une grosse partie du mouvement prévoyait de converger sur Paris, à Nantes, des rendez-vous étaient fixés à partir de midi pour la reprise des ronds-points. Une conférence de presse des camarades interpellés vendredi dernier lors d'un atelier de confection de banderoles était également prévue à 13h à la croisée des trams. Dès le matin, des militants militantes s'affairent à redonner des couleurs aux ronds-points de l'aéroport et du Croisy. L'ambiance y est conviviale et bon enfant. Les klaxons fusent, certains automobilistes s'arrêtent même déposer des sandwichs. Une cabane en bois ressort de terre aux abords de l'aéroport. Des forces de l'ordre semblent totalement absentes, et à part une ou deux voitures de police qui passent par là, aucune réelle présence ne sera remarquée. Pendant ce temps-là, les gens se retrouvent à la croisée des trams pour la conférence de presse appelée par les interpellés du 12 avril. Les personnes concernées y racontent la répression, de l'arrivée progressive des forces de l'ordre pendant un atelier de banderoles, jusqu'à la nuit passée en garde à vue sans aucun motif valable, en passant pour le vol de matériel, jamais restitué malgré l'absence de poursuite, la pression mise par les forces de l'ordre pour accepter le fichage signalétique, ainsi que les justifications bancales qui leur sont apportées au commissariat. Le classique, ça vient d'en haut. Elles expliquent que la garde à vue semble être devenue une mesure punitive à part entière, qui est de plus en plus souvent utilisée pour des motifs futiles. Preuve en est le nombre de personnes relâchées sans poursuite après, voire avec des chefs d'inculpation absolument absurdes chaque week-end. Donc là, ce samedi, vers 14h, les quelques centaines de personnes présentes décident finalement de partir en manifestation vers le cours des 50 otages, seul itinéraire permettant de contourner l'interdiction de manif prononcée par la préfecture. Le dispositif policier semble une nouvelle fois surdimensionné par rapport au nombre de manifestants manifestantes. Encadré par des colonnes de gendarmes mobiles, le cortège avance jusqu'à la préfecture. Après une pause devant celle-ci, le défilé continue pour descendre la rue Henri IV, le cours Saint-Pierre faisant également du périmètre interdit. Et la CDI, donc la compagnie départementale d'intervention, étant positionnée de manière à bloquer la route menant au commissariat. Le cortège marque une nouvelle pause au niveau de Duchessane avant de repartir vers Bouffay, toujours encadré par les GM, suivi par des camions, et attendu plus loin par la CDI. Un arrêt est également marqué devant la place du Bouffay où se déroule un rassemblement de soutien aux révoltés soudanais. Des slogans sont échangés, des poings sont levés, la solidarité semble traverser le cordon de gendarmes qui sépare pourtant les deux groupes. La manifestation reprend alors sa route vers la croisée des trams, point de dispersion habituelle des cortèges de cette dernière semaine. Les GM empêcheront toutefois la tenue d'un second tour en se positionnant de manière à bloquer le cours des 50 otages. Comme d'habitude, les manifestants manifestantes finissent par se faire repousser en direction des chantiers navals autour desquels seront aperçus plusieurs véhicules de l'opération Sentinelle. Sympa. Arrivé au pont Anne de Bretagne, ce qu'il reste du cortège prend la direction des machines de Lille. La CDI empêchera les manifestants et manifestantes de passer devant le tribunal, les contraignant à rester autour des nefs. Des barrages filtrants seront tenus un moment par les forces de l'ordre sur le pont et devant le tribunal. Si aucune blessée ni interpellation ne sont à déplorer sur Nantes cet après-midi, nous avons tout de même pu observer une présence policière massive, une prise de vidéo continue du cortège par les gendarmes mobiles, ainsi qu'une volonté assumée de ne laisser personne s'aventurer dans le centre-ville. Nous adressons par ailleurs notre soutien complet à toutes les victimes d'une répression policière autrement plus offensive sur Paris. Un de nos camarades qui avait fait le déplacement étant également à l'hôpital après avoir été touché à la main. Amour, Malox et Sérumfi, la street medic de Nantes. Donc voilà, oui. Donc dans l'article d'Indymedia, il y a un petit commentaire qui ajoute que bah, la répression, elle se limite pas au centre-ville et que là, ces derniers temps, il y avait une grande nervosité policière, route de Vannes, où l'accès en transport en commun, donc tram et bus, était beaucoup plus délicat qu'en véhicule individuel. Apparemment, il y a eu une sorte de peur des magasins alentours qui a fait doubler voire tripler les services de sécu par rapport à des samedis ordinaires. Donc voilà. Puis des contrôles, divers provoques policières autour de la zone Atlantis et jusqu'aux Dervalières et Bellevue. Donc voilà. Si on en dit aussi que sur les plus petits ronds-points entre les Dervalières et Bellevue, ce sont des petits commerçants qui ont tenté de faire la police anti-gilets jaunes. Donc très sympa aussi comme pratique. Voilà. Et là, du coup, le compte-rendu de la manif Gilets jaunes, moi, j'ai pas trop suivi, effectivement, je vais bien avouer. Mais je sais que ce qui est ressorti de Paris, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Et il y a eu effectivement des blessés graves, hein, comme chaque samedi, je pense, un peu partout en France. Et notamment des journalistes qui commencent à s'indigner, enfin, genre le syndicat des journalistes ou je sais pas quoi là, qui commence à s'indigner et à tirer la sonnette d'alarme et à dire on va déposer des plaintes auprès de l'État et tout ça parce que là ça commence à bien suffire. Avant ça pouvait encore passer pour un truc accidentel, de temps en temps il y a un journaliste qui est blessé, ok bon, mais là ça commence à devenir trop de journalistes qui sont blessés pour que ce soit un hasard et du coup ils commencent à craindre pour leur profession. Donc voilà, je crois que c'est un peu les news qui ressortent à l'échelle nationale, hein, après bon. Qu'est-ce qui a brûlé à Paris, du coup, sinon? Je sais pas, on m'a parlé vaguement d'un monument historique qui aurait cramé, mais bon, rien de bien important, je Oui, crois. je crois que c'est pas le Sacré-Cœur, du coup, on s'en fout un petit peu, quoi. En tout cas, ça fait la une et on en a marre parce que c'est bien commode que ça puisse évincer Ouais, tout le reste de comme l'information. par hasard. Comme par hasard, ils en profitent bien. Et effectivement, c'est quand même énervant, pathétique. Je sais pas, je sais même plus quel mot utiliser pour qualifier le fait là, que de voir en fait toute cette espèce d'union nationale sacrée là et de tous les gros riches et les gros puissants qui font leurs promesses de dons là avec une indécence. Des promesses de dons défiscalisés, Ouais, d'ailleurs. en Hein. plus. Enfin bref, et puis ça fait débat là-dessus alors que. Bah, je sais pas, moi le débat il devrait être. Mais pourquoi déjà on en parle autant? En fait, déjà l'Église et l'État se séparaient depuis quelle année déjà? Enfin, pardon. 1905. Voilà, mais c'est quand même fou. Et troisièmement, bah ouais, ils sont capables de sortir des millions et des millions, y compris les pouvoirs publics sont capables de promettre et de sortir des millions. Par contre, jamais ils le font pour reloger les gens à la rue, même en plein hiver. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, comment est-ce qu'on peut passer tout ce temps à se faire mousser sur des trucs de cathédrale et de machin, enfin, ça frise vraiment l'indécence. C'est indécent, désolé, mais Oui, mais vraiment, quoi. s'ils veulent des projets, la cathédrale, Oh là on là. peut la réhabiliter en centre social, effectivement. Mais il Je y a pense plein qu'il de y a moyen de bonnes faire idées, hein. des bons concerts punk. On n'était pas censé faire un point cathédrale, Non, mais mais même nous, tu vois, même nous, on peut pas c'est tout s'en empêcher. débeauté. C'est terrible. Bon, un peu de musique, du Bah, coup. allons-y, hein. Allez. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Hello, hello, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. On est toujours le lundi de Pâques, le 22 avril 2019. Pâques. Séparation de l'Église et de l'État ou pas là? Et sinon, concernant ce qu'on disait tout à l'heure sur La manif gilet jaune? voilà, à Paris. Donc apparemment, il y aurait eu plus de 200 arrestations. Donc voilà, il y a eu un blessé grave à la tête apparemment, dont on n'arrive plus pas à avoir de nouvelles. Aïe aïe C'est aïe. vraiment inquiétant. Et à propos des journalistes, Donne l'info aussi que les journalistes représentent plus de 10% des blessés lors des manifs. C'est ouais, quand même mais... pas négligeable. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment clairement des consignes de s'en prendre en fait aux gens qui filment, aux gens qui prennent des photos. Et du coup, à part si t'as vraiment la grosse caméra de BFM TV ou de TF1, bah t'es quand même dans la merde et t'es une cible privilégiée, quoi, finalement. Et puis encore, ça, on a déjà vu dans certains mouvements sociaux des journalistes de genre de médias aussi. Oui, ça arrive aussi. Se faire un peu malmener aussi. Ouais. Par les flics, hein. Oui.